إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعدنا الله وإياكم من النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes frères et sœurs, j'ai voulu faire une intervention en constatant la frénésie qui touche beaucoup de frères et de sœurs dans le sujet du tekfir. Si nous avons abordé ensemble ce sujet dans les précédents audios, nous voulons vous rappeler que notre religion est avant tout une religion de miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit à son prophète « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité. Ainsi le tekfir a certes une place non négligeable dans notre religion, tout comme l'alliance et le désaveu. Mais ne faisons pas déborder la haine et le désaveu au détriment de l'amour et de la miséricorde pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous ses messagers. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour chercher dans les cœurs, ni faire une chasse aux sorcières afin d'examiner le témoignage de chaque personne disant la shahada. Mais au contraire, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, un musulman continuera d'être dans les limites de sa religion tant qu'il ne répand pas du sang sacré. Rapporté par Al-Bukhari d'après Ibn Umar. Et aussi, dans Al-Bukhari, Maymoun ibn Siyah a questionné Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Et il a dit, « Oh Abba Hamza, qu'est-ce qui préserve le sang d'un serviteur ainsi que ses biens ?» Il répondit, « Quiconque témoigne qu'il n'y a personne digne d'être adoré à part Allah, se tourne vers notre Qibla, prie notre prière et mange notre sacrifice, alors il est musulman. Et il y a pour lui ce qu'il y a pour le musulman, et il y a sur lui ce qu'il y a sur le musulman. » Subhanallah. Aujourd'hui, dès qu'une personne commet une petite erreur dans sa compréhension, n'importe qui s'empresse de faire son takfir. Même si cette personne qui dit la shahada professe son désaveu du tarout et soutient les monothéistes, etc., etc. Nous n'excusons bien évidemment pas l'ignorance dans le shirk akbar. Et nous affirmons que celui qui ne fait pas le takfir des mouchriquins, des associateurs, s'affiliant à l'islam, en leur donnant l'excuse de l'ignorance, est kafir, après lui avoir apporté l'explication, la hujja. Mais, il a été transmis d'Al-Qabisi qui dit « Le sang ne doit être répandu excepté à travers une affaire qui soit claire. Et punir quelqu'un avec un fouet ou l'emprisonnement est un exemple exemplaire pour les non-doués de raison. » Sachez donc que vous aurez à rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala du takfir que vous avez fait d'un individu. Et que cela implique que cette personne peut être tuée et que ses biens puissent être saisis et que ses femmes ne lui sont plus licites et qu'il ne sera pas enterré dans le cimetière avec les musulmans et qu'on ne priera pas sur lui et que ses enfants n'héritent pas de lui et que lui non plus n'hérite pas de ses proches, etc. etc. Et tout ce qui s'ensuit sur le jugement d'un kafir. Oh mon frère, oh ma sœur, lorsque tu déclares que telle personne précise est mécréante, pose-toi la question. Auras-tu le courage de porter atteinte à la vie de cette personne-là sans t'interroger sur ce que tu diras devant Allah subhanahu wa ta'ala? Pourrais-tu prendre les biens de cette personne-là sans te dire avant de t'endormir, je rendrai compte sur ce que je viens de faire à cette personne? Pose-toi cette question de manière sincère. Interroge ton cœur. Pose-toi la question. Émettre une telle fatwa te rapproche-t-elle d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que dire qu'une personne est kafir de manière particulière, dire que lui, telle personne, fulan, ou ulyan, est kafir, alors tu as mis une fatwa sur lui. Est-ce que cette fatwa te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala? Par cela, est-ce que ton cœur s'est-il apaisé Et est-ce que ta foi a-t-elle augmenté? Pose-toi cette question. Al-Qadi'iyya dans Al-Shifa a mentionné la parole des savants. Et il a dit, qui ont dit, certes, rendre le sang licite de ceux qui accomplissent la prière, les mouahidines, est dangereux. Et se tromper en laissant une centaine de mécréants est moindre que de se tromper en répandant une mahjama de sang d'un musulman. Mahjama, ça veut dire deux ou trois gouttes lorsqu'on procède à la coupure, de trancher une chose, deux, trois gouttes qui sortent. Il a dit ça, c'est pire que le fait de lécher, de laisser une centaine de mécréants. Par Allah, nous avons oublié entre nous de parler de la rahma, entre nous surtout dans cet état de faiblesse que nous vivons ici en Occident. Méditez les frères, méditez mes sœurs. Que faisons-nous de la parole de l'imam Ja'far ibn Muhammad, rahimahullah, le descendant du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui était un tabi'in, parmi les premières générations après les compagnons, qui a dit, si quelque chose te parvient sur ton frère, et que cela te paraît étrange, alors trouve à ton frère des excuses jusqu'à 70. Soit tu lui trouves une excuse, soit dis-toi, peut-être a-t-il une excuse que je ne connais pas. Comme elle a rapporté Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman. Donc si ces gens-là, qui se précipitent lors à faire le takfir mu'ayyin, individuel, précis d'une personne, et même de chercher, subhanallah, les gens, ils cherchent, subhanallah, est-ce que cette personne-là, les défauts, on cherche à savoir les paroles de certains et de certaines, est-ce qu'il a dit du kufr? Wallahi l'azim, ce n'était pas connu parmi les salafs salihs, radiallahu anhum. Si ces gens-là, ils se préoccupaient de rechercher la science shara'i, de tourner les pages des livres, des savants, et de lire les usul, les fondements, les furu', les branches, alors ils sauraient que, avant de rendre licite le sang et les biens, qu'il pourrait y avoir peut-être une parole qu'une personne, une parole ou un acte de quelqu'un qui serait du kufr, qui causerait son takfir, mais qu'il pourrait y avoir des degrés, des conditions et des empêchements à ce takfir-là. Ça veut dire que ce jugement il tombe sur cette personne-là. Et donc, qu'il ne rendra pas licite son sang et ses biens dans ce cas précis. Ainsi, Omar radiallahu anhu, il a dit, celui qui s'expose qui s'expose aux accusations, qui ne blâme que lui-même, si on pense du mal de lui. À force d'accuser tout le monde, à force de chercher les poux, etc., etc., faut pas qu'on s'étonne que demain ça va retomber sur nous. Wal-iyadu billah. Mon frère, ma soeur, scrute donc l'état de ton cœur et demande-toi si tout ce que j'ai cité jusqu'ici te fait pleurer lorsque tu lis le Coran. Est-ce que ça t'incite à le mémoriser et à multiplier les actes surérogatoires? Est-ce que lorsque on aborde tous ces sujets constamment, perpétuellement, est-ce que tu t'es senti grandi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu as senti que ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala est les meilleures? Est-ce que tu pleures lorsque tu récites le Coran? Est-ce que tu pleures lorsque tu es en prière? Est-ce que tu pleures à l'idée de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu pleures à la menace de l'enfer? Est-ce que tu pleures pour ces gens-là qui sont dans cet égarement, et qui sont dans ce kufr et dans ce shirk-là? Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, wala tahzana alayhim, ne t'attriste pas sur eux. Est-ce que tu t'attristes pour ces gens-là? Ou bien ton simple but est de dire kufr, kufr, kufr, kafir, kafir, kafir, mushrik, mushrik, mushrik. Parce qu'il y a un objectif dans ça. Il y a un objectif derrière tout ça. Notre dîn, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète aux associateurs, il les a appelés pour les appeler à l'islam. C'était là, c'était ça, cette miséricorde. Est-ce que l'islam consiste à suspecter toute personne disant la ilaha illallah, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas. Sinon vous fléchirez et vous perdrez de votre force. Et soyez endurants car Allah est avec les endurants. Au contraire, l'islam nous pousse à l'entraide mutuelle et la dévotion entre ses frères. Un jour, Ibn Abbas radiallahu anhu, faisait une retraite spirituelle dans la mosquée du prophète alayhi salatu wasalam. Et de là, un homme entra et il le salua et s'assit à côté de lui. Ibn Abbas radiallahu anhu lui dit alors, Je vois que tu as l'air triste. Et l'homme lui répondit, oui, ô cousin du prophète, j'ai une dette envers quelqu'un, mais je ne peux la rembourser. Ibn Abbas lui dit, veux-tu que j'aille voir avec toi cette personne? L'homme répondit, si tu le veux. Ainsi, Ibn Abbas mit alors ses chaussures et sortit de la mosquée. L'homme dit alors, mais n'étais-tu pas en retraite spirituelle? Ibn Abbas répondit alors, avec les larmes aux yeux, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wa sallam dire, celui qui se déplace pour aider un frère dans le besoin et pour résoudre son problème, la récompense sera meilleure qu'une retraite spirituelle de 10 ans. Et quiconque fait une retraite spirituelle d'un jour pour Allah sera éloigné de l'enfer de trois fossés, dont la largeur de chaque fossé elle est semblable à la distance de l'est et de l'ouest. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Regardez, subhanallah, comment Ibn Abbas il avait compris le souci envers son frère musulman. Regardez comment il a délaissé la grande récompense de la retraite spirituelle, qui est, comme il a cité ici dans le hadith, d'être éloigné de l'enfer de trois fossés, dont un fossé est égal à l'est, à l'ouest, la distance qui sépare l'est et l'ouest. Mais il a su que le prophète sallam l'a dit que le fait de soutenir son frère, c'était meilleur que 10 fois ça, que 10 années de retraite spirituelle. Faya Akhi, est-ce que tu visites les malades? Est-ce que tu vas visiter les malades musulmans à l'hôpital? Et à Akhi, est-ce que tu as soutenu la femme de qui on a pris ses enfants, qui est en liberté? Est-ce que tu l'as aidé matériellement, spirituellement, moralement? Et à Akhi, est-ce que tu as soutenu le prisonnier? Est-ce que tu as soutenu l'assigné à résidence? Et à Salam, le prophète Mohammed a.s. a dit, Allah vient en aide au serviteur tant que ce dernier vient en aide à son frère. Celui qui s'occupe des besoins de son frère, Allah s'occupera de ses besoins. Médite donc sur ce que tu débourses comme aide spirituelle, matérielle ou morale à tes frères et sœurs, envers tes frères et sœurs. Tel était le souci des Sahaba. Comment être utile à la communauté? Et en ce qui concerne la question du djihad, j'aimerais rappeler à ceux et celles qui en ont fait une finalité, qui n'est qu'un moyen pour élever, puis protéger, défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une finalité. Et même dans cette pratique-là, dans cet acte-là, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il disait, d'après Abu Ya'la, Ash-Shaddad ibn Aws, radiyallahu anhu, que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a prescrit le bel agir dans toute chose. Quand vous tuez, faites-le de façon parfaite. Quand vous égorgez une bête, faites-le de la manière la plus douce. Aiguisez bien votre lame et accordez à la victime le temps suffisant pour mourir. Hadith authentique rapporté par Muslim. Je finirai, mes frères et sœurs, avec un hadith sur lequel je vais vous laisser méditer. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit, méfiez-vous de la présomption, car la présomption est le parler le plus mensonger. Je m'arrêterai là et je recommencerai le hadith. Par Allah, on a entendu des frères soupçonner des autres. Peut-être que on a l'impression, il semblerait. Et sur ces suppositions-là, on arrivait à faire le takfir de tel ou d'un tel. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wa sallam l'a dit, la présomption est le parler le plus mensonger. Méfiez-vous de la présomption, car la présomption est le parler le plus mensonger. N'employez pas vos cinq sens à la recherche des défauts des autres et ne vous espionnez pas. Pareil, subhanallah. Il y en a qui cherchent. Ils cherchent à espionner, ils cherchent à savoir. Regardez dans les paroles, les fatawa. Tel frère, quelle erreur il a fait? Peut-être, subhanallah. Est-ce que ça fait partie du dîn de l'islam, madame? Il continue le prophète, alayhi salatu wassalam. Bannissez entre vous toute concurrence déloyale, toute envie et toute haine. Ne vous tournez pas le dos les uns aux autres et soyez frères aux serviteurs d'Allah. Le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas d'injustice, ne lui refuse pas son soutien et ne le méprise pas. La piété commence ici et il désigna trois fois sa poitrine. La piété, ya ikhwan, ya akhawat, elle commence dans le cœur. Et parmi la piété, subhanallah, le fait de respecter l'honneur de ton frère et son islam avant tout. Ne pas le sortir de l'islam de manière si facile. Avoir peur, subhanallah, de rendre son sang et ses biens halal, de le mettre éternellement fi jahannam s'il meurt dans cette circonstance-là. Il continue, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, il suffit à l'homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Tout le musulman est interdit aux musulmans. Son sang, son honneur et ses biens. Allah ne regarde pas vos corps, ni vos images, ni vos actions, mais il regarde vos cœurs. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce rappel était avant tout pour moi, ensuite il sera pour vous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde un cœur qui soit soumis et humilié devant lui, des yeux qui pleurent et des bonnes actions qu'il agréera. Allahumma inna la nas'aluka khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تبلغنا به مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إننا نسألك قلبا خاشعا اللهم إننا نسألك قلبا خاشعا اللهم إننا نسألك قلبا خاشعا اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا أرحم الراحمين اللهم ثبت أقدامنا على الحق اللهم أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas mettre dans nos cœurs la haine envers ceux qui ont cru. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un cœur qui craint, des yeux qui pleurent et des actions qui l'agréent. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer la vérité sous sa vraie forme afin qu'on la suive, et le faux sous sa vraie forme afin qu'on s'en écarte, et de nous faire mourir en pleine soumission en tant que musulmans, et de nous ressusciter parmi les vertueux, les pieux, les prophètes et les martyrs. Wa sallallahumma ala ashraf al-anbiya wal mursalin wa qurrata a'yunina nabiyina وأسوتنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله سبحانه وتعالى أعلم.